Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et quatre épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Heureuse comme une arabe en France, une série documentaire d'Adila Benedjaizou, réalisée par Anne Pérez Franchini. Au départ de cette série, il y a une documentariste qui cherche à se situer. Des femmes qui sont souvent françaises depuis des générations, des clichés du racisme, beaucoup trop d'inconscience du côté des dominants, et au départ, comme un poison, la colonisation. Mais il y a aussi celles qui sont arrivées les premières et qui ont essuyé les plâtres. Alors pour commencer, les personnages. Une documentariste qui va voir sa mère, une femme qui a fait un choix, une historienne qui explique, une danseuse héroïque, des prostituées, une grand-mère mal connue, une jeune Tunisienne indépendante et une autrice qui a oublié. Ensuite, le décor. Des départs et des arrivées, des adieux et des rencontres, des films d'aventure, Les Mille et Une Nuits, La Colonisation, un livre qui a fait scandale, des images pornographiques, Casablanca, Saddam Hussein, des fantasmes, le voile, le FLN, la bohème parisienne, l'Algérie et des cours d'arabe. Aujourd'hui, premier épisode, on est au cinéma. Vous êtes un homme remarquable, monsieur James Bond, mais je suis moi-même une femme supérieure. Lorsqu'on voit la haine que vous avez pour les hommes... Mordeur ! Vous savez que faire l'amour avec Fatima était le plus grand plaisir de toute votre vie. C'est moi la meilleure. Oui, oui, vous avez raison. En fait, je pensais vous mettre dans mes mémoires numéro 1. Parfait. Alors, écrivez. Les minutes où j'ai pris le plus de plaisir de ma vie se sont passées à bord d'un bateau à Nassau. Avec Fatima Blush. Signé James Bond. J'aimerais bien que tu fasses le générique de mon émission. C'est-à-dire ? Eh bien, il faudrait que tu dises le titre. Tu veux bien ? Heureuse comme une arabe en France. Est-ce que le mot arabe, je n'aime pas trop, je veux te dire franchement. Pourquoi ? Parce que le mot arabe, ça... Il y a des arabes, je ne suis pas fière de leur attitude. Je préfère dire soit maghrébine ou tunisienne. Ben oui, mais tu peux pas parce que c'est le titre de mon émission. Ah bon ? Alors, qu'est-ce que je dois... Heureuse comme une arabe en France. Heureuse comme une arabe en France, comme un poisson dans l'eau. Un documentaire de Adila Benedjaizou, réalisé par Anne Pérez Franchini. Les pionnières. Il faut vous dire une chose, en fait, nous, les femmes arabes, enfin, celles que vous appelez femmes arabes, en général, on ne se voit pas comme des femmes arabes. Comme Aziza, que vous venez d'entendre, on préfère dire qu'on est tunisienne ou maghrébine, quelques-unes se disent berbères, d'autres musulmanes, mais on dit très rarement arabe. Parce qu'en fait, la femme arabe, c'est un cliché. Ça sent très vite la danse des sept voiles et le couscous maison. Et croyez-moi, c'est pas agréable de se balader dans la peau d'un cliché, surtout aussi éculé. Alors j'ai voulu comprendre comment il était né ce cliché et de quelle manière il agissait sur ma vie. Mais c'est pas facile à faire. C'est un peu comme d'enlever ma peau, de l'examiner et puis de la réenfiler. Ça m'a fait peur, alors j'ai fait comme je fais dans tous mes documentaires. Je suis allée voir ma mère. Allez, est-ce que t'es heureuse en France ? C'est compliqué, c'est parce que tu mets derrière le mot heureuse. Ouais. Bon, on peut être heureux n'importe où, comme on peut être malheureux n'importe où. C'est pas la France qui est pour beaucoup. La France, ce qu'elle m'a permis, c'est de réaliser, de faire un choix d'une vie que je ne voulais pas vers une vie que je ne connaissais pas. Ce dont je rêvais dans ma tête était totalement... Ça reste de l'ordre du rêve. Tant qu'on n'a pas vécu dans un pays, on ne le connaît pas. Qui plus est, moi, je n'ai pas eu de difficultés pour m'intégrer dans la mesure où je parlais couramment déjà le français. Je dirais ce qui a décidé mon choix, c'est un mode de vie en couple. C'est vrai que je ne voulais pas vivre comme mes parents ou mes grands-parents ont vécu en couple. C'est-à-dire que la femme est à la maison, déjà. Ça, c'était incontournable à l'époque. Ça a changé maintenant. Et ça veut dire que la femme est soumise à l'homme. Est-ce qu'il y a des choses que tu as adoré trouver ici, que tu t'attendais pas à trouver ? Que j'ai adoré trouver ici, c'est la liberté quand même de sortir quand tu veux, où tu veux, que tu as des amis hommes-femmes, sans ségrégation de sexe, d'appartenance politique ou religieuse. Marcher, un truc tout bête, hein, marcher main dans la main dans la rue avec Richard. Surtout vivre. Et ça, je crois que c'est inexplicable. C'est vivre selon ce qu'on a envie. Tu vas me demander qu'est-ce que tu avais envie. Je serais incapable de te le dire. Mais c'est juste vivre, quoi. Normalement, ne pas subir la pression de la belle-mère, de la voisine. C'est impalpable. Mais au quotidien, c'est une pression énorme. Je dirais que je suis un peu décalée par rapport aux femmes arabes que je vois en France. Parce qu'elles vivent quand même souvent en communauté arabe. Elles vivent entre elles, entre voisines, et elles continuent à vivre comme si elles étaient en Algérie, sauf que c'est dans un cercle plus restreint. Et donc, elles perpétuent les valeurs avec lesquelles elles sont arrivées, qui sont des valeurs justes, nobles, etc., mais qui, avec le temps, j'ai envie de dire, se rouillent, elles deviennent conservatrices. T'as l'impression que t'as fait que gagner des choses, t'as pas l'impression d'avoir perdu des choses. On perd forcément dans un choix. Quand je suis arrivée, les premières années ont été très très difficiles, justement de par l'immense perte que j'ai eue. Mais quand tu perds un statut, c'est pas facile. Hein. Oui. Ça, on comprend pas, on se dit qu'on est capable d'eux. C'est pas vrai, ça a un coût. Un coût moral énorme. Des fois, ça me manque de pas parler arabe. Qu'est-ce qui te rend triste là-dedans ? C'est bizarre ce que je vais dire, c'est contradictoire, mais j'ai l'impression en même temps que les femmes arabes sont plus gaies que les femmes françaises. Ce qui me manque, c'est les fêtes arabes, par exemple. Le pire, c'est ça, c'est que j'ai jamais participé aux... Tu vois, les mariages et tout ça, on était gamins, nos parents ne nous emmenaient pas. Mais bon, on en entendait parler, on voyait certaines fêtes, d'autres, ma tante m'a emmenée à 2-3 fêtes. Mais j'étais gamine, j'y participais pas, mais pour moi, c'était des moments de gaieté, de chaleur, d'échange. C'est marrant, par exemple, je mets plus du tout de musique arabe à la maison. C'est peut-être ça aussi, une culture dont tu pénètres pas. Comment dirais-je ? Je crois que le rire, la gaieté, tout ça, c'est aussi culturel. Tu vois, ça, c'est inexprimable. Je le découvre en en parlant, là. الغدر مش حق عليك ما يسخو La position dans laquelle je me trouve est assez semblable à celle de ma mère. Moi aussi, je me considère comme bien intégrée. Je parle et j'écris le français comme vous et moi. Enfin, sans doute un peu mieux que vous d'ailleurs. Et pendant longtemps, j'ai même oublié que j'étais née en Algérie. J'ai aussi grandi dans l'idée que les familles maghrébines étaient rétrogrades et que j'avais bien de la chance que mon père adoptif soit français. Je me sentais très différente des autres femmes arabes, voire légèrement supérieure. Bref, j'avais du mépris pour mon arabité. Et c'est seulement sur le tard que j'ai eu le sentiment qu'on m'avait enlevé quelque chose ou que j'avais peut-être abandonné des morceaux de moi en cours de route. En ce moment, on parle beaucoup de décoloniser les arts, le féminisme, les esprits. Moi, j'ai l'impression que le premier territoire que je dois décoloniser, c'est moi-même. Il y a un proverbe africain qui dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse sera à la gloire des chasseurs. » Normalement, je n'aime pas trop les proverbes africains. Ça fait partie des choses que j'ai intégrées, un amusement teinté de condescendance pour tout ce qui concerne le continent noir. Eh bien, disons que citer un proverbe africain fait partie de mon entreprise d'auto-décolonisation. Je voudrais raconter notre histoire à nous, les femmes arabes de France, qui sommes pour l'essentiel, il faut le dire, tunisiennes, algériennes ou marocaines. Dès demain, je vous remettrai dans les mains d'Osman Feradji, grand maître du harem du roi de Mykonèse. Et je voudrais la raconter à ma façon, pour y chercher les prémices du cliché auquel je suis soumise. Et cette histoire a commencé il y a bien longtemps, quand la France s'étendait jusque de l'autre côté de la Méditerranée, au pays des lions. Vous pourrez franchir la porte interdite des fastueux harems. Voilà qui commence à devenir très intéressant. Où les femmes voilées, achetées aux enchères sur les places publiques, sont... Très intéressant. Non, mais je vous en prie, c'est un film sérieux. On peut remonter au moins jusqu'à la publication en français des Mille et Une Nuits, qui sont traduites au début du XVIIIe siècle par un arabisant voyageur qui s'appelle Antoine Galland. Christelle Tarot. Et qui va acclimater, en fait, au travers de cette publication, cette idée, en fait, que l'Orient serait le territoire par excellence d'un érotisme agressif et lascif. Idée qui d'ailleurs aura la dent dure, puisqu'elle sera aussi reprise, par exemple, par Michel Foucault dans son Histoire de la sexualité, hein, lorsqu'il dit que l'Occident est un lieu, entre guillemets, de techniques sexuelles et que l'Orient est un lieu d'art érotique. Sans parler, bien sûr, du fait que l'Orient est assimilé aussi à un territoire où les hommes dominent de manière exemplaire les femmes, notamment en termes sexuels. Par rapport à un Occident, voilà, qui serait tout à fait autre chose, et peut-être même l'image inversée de cet Orient. Et puis, bien sûr, tout ça est accentué par la première phase de la conquête de l'Algérie, entre 1830 et 1847. Donc on a en fait tout un continuum de fantasmes qui vont être associés à un certain nombre de femmes, de types de femmes, parce qu'en réalité ce ne sont pas vraiment des femmes réelles. Et on va commencer effectivement à peindre, à écrire d'une manière assez obsessionnelle sur ces femmes. Donc évidemment, dans la peinture française, il y a des exemples constants et pérennes, je dirais de Ingres, en passant par Delacroix, Chassériau, Jérôme, etc., etc. Enfin, c'est très important. Et dans la littérature, c'est pareil. En fait, ça devient un motif très important, aussi bien chez un écrivain orientaliste comme Fromentin, et même chez Victor Hugo, qui, en 1828-29, publie un recueil de poésie qui s'appelle « Les Orientales », dans lequel la figure de la femme de harem est une image constamment véhiculée. Donc ça s'ancre de manière très forte là-dedans. Je dirais qu'il y a un premier temps qui correspond en gros à la première phase de la conquête de l'Algérie, qui est un temps de la sidération. Et la sidération n'empêche pas le stéréotype. Dans la seconde phase de la guerre, c'est-à-dire après la fin du Second Empire, quand la République coloniale s'installe, on sent qu'on va passer en fait de la phase de sidération à la phase d'encanaillement, ce que j'appelle la phase d'encanaillement, où là, en fait, on voit aussi bien dans la peinture que dans la littérature, on voit en fait une sorte de crapulisation de la figure de la femme algérienne. Et donc avec une sexualisation beaucoup plus centrée sur des figures obscènes et pornographiques. Parce que c'est aussi une marque du conquérant, hein, parce qu'il y a une sorte de droit au coït, hein, que ça fait partie des privilèges que vous obtenez quand vous faites la conquête d'un territoire. dans la réalité, puisqu'il y a des femmes qui sont bien évidemment violées, des femmes qui sont accaparées, bien sûr, mais aussi dans ce qu'on appelle, d'une certaine manière, la prédation symbolique. Et parce que la grande majorité des femmes algériennes n'ont pas été accessibles aux hommes, en réalité. Aux hommes colonisateurs, j'entends. Donc, cette réalité sociologique et anthropologique, elle a conduit à déplacer, en fait, l'accaparement plutôt sur le versant symbolique. Hein, donc, on a massivement, en fait, pris possession des femmes sur papier glacé ou sur papier tout court, parce que, pour l'essentiel, c'était très compliqué d'y avoir accès en dehors, soit du monde de la prostitution, soit en dehors, bien sûr, des violences sexuelles qui ont été continues. Et donc, je crois que c'est une œuvre de compensation. Missier, écoute-moi, moi y'en a pour toi, jolie corde et belle. Missier, tu veux pas m'écouter, pourquoi tu t'en vas par là, quartier indigène. Viens plutôt chez moi, j'y serai bien aimable, j'y tifferai couscous et bon racahou. Et j'y t'y prendrai, comme ça, dans mes bras, tu seras content, beaucoup t'y verras. Dis-nous les roumis, viens mon ami, les belles Aïcha, y'en a pas de fille. Y'a gris-gris d'amour, souffle à ma casa, jusqu'à clandre. Si je rencontre Christelle Tarot, ce n'est pas seulement parce que c'est une historienne du Maghreb. Elle vient de collaborer à un livre qui a fait scandale. « Sexe, race et colonies » est un ouvrage qui dévoile plus de 1000 photos témoignant de la violence sexuelle dans les colonies. Ça va de la publicité légèrement érotique à des photos où le viol est explicite. L'ouvrage est présenté comme scientifique, d'ailleurs il contient un grand nombre d'articles signés par des chercheurs de toutes origines. Le livre a été très critiqué par des personnes racisées ou non blanches qui disent non seulement que c'est la mémoire de leurs ancêtres qui a été violée, mais aussi que le livre ne fait que réitérer ce qu'il est censé dénoncer, la violence coloniale. L'expression « personne racisée », qui signifie une personne victime de racisme, est une expression que je n'emploie jamais. Et l'expression « non blanche » non plus d'ailleurs. Je suis d'une autre génération. D'une génération où le mot racisé n'existait pas et où on ne s'offusquait pas de voir des photos de sa grand-mère à poil dans un bouquin, du moment que c'était pour la science. Alors j'ai du mal à me faire un avis sur ce livre. Je pense que ces images et la violence coloniale qu'elles expriment sont tout autant l'affaire des victimes que des bourreaux. Et je ne vois pas d'inconvénient, bien au contraire, au fait que des dominants s'interrogent sur les formes de leur domination. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui cloche sans arriver à savoir ce que c'est. Je me suis dit que si une des femmes sur ces photos pouvait être ma grand-mère, alors certaines d'entre elles étaient peut-être encore vivantes. Et c'est pour retrouver une de ces femmes que je vais voir Christelle Tarot. En fait, j'ai des photos, moi, de la même époque. Elles montrent exactement le même type de configuration, le même type de femme. Et là, on voit bien que c'est à l'extérieur. Donc ça veut dire que déjà, c'est quasiment sûr que c'est dans un quartier réservé. J'ai choisi la photo qui m'a le plus frappée. Elle a été prise en pleine rue, sur l'escalier d'un bordel. Deux jeunes hommes en uniforme sont allongés, goguenards. Ils sourient, comme les pêcheurs sourient, sur ces photos où on les voit tenir un poisson deux fois plus gros qu'eux. Sauf que ce ne sont pas des poissons, mais cinq femmes entièrement nues qui se tiennent à côté d'eux. L'une d'elles est assise, les jambes largement écartées. Son sexe offert nous sauterait au visage si l'une de ses comparses n'avait pas la main posée dessus. Ce n'est ni la photo la plus violente du livre, ni la plus belle, mais elle dégage un mélange malaisant d'érotisme et de violence. J'ai décidé de rechercher la jeune femme aux jambes écartées et de l'appeler Sherifa. Il se trouve que c'est le prénom de mes deux grands-mères, paternelle et maternelle. Je veux l'appeler ainsi pour ne jamais oublier qu'elles auraient pu se trouver à la même place. Elles ont les cheveux assez courts, ça, je trouve. Moi, c'est normal. Prenons pour base que nous sommes à Bousbir. Le quartier réservé, en fait, il est en même temps fermé et en même temps extrêmement ouvert. Et donc, y entre notamment la presse féminine, y entre bien sûr le cinéma. D'ailleurs, à Bousbir, il y avait un cinéma. Et donc, en fait, les prostituées qui y travaillent, eh ben, elles sont attentives aux modes. Parce que, en fait, les hommes, ils ont aussi le désir de rencontrer des femmes supposées modernes, donc avec les cheveux coupés, qui s'épilent plus les poils du pubis. Mmh. Voilà. C'est le cas, là. Alors même que, dans le même temps, cohabitent avec ce type de femmes, voilà, des femmes qui restent vraiment dans le type orientaliste qu'on s'attend à trouver. Quel pourrait être l'itinéraire possible de cette femme-là qui est au milieu? Comment on arrive à Bousbir? C'est d'abord que la grande majorité des femmes qui atterrissent à Casablanca dans le quartier réservé, mais pas seulement, hein, puisque Casablanca est le plus connu des quartiers réservés maghrébins, ce sont souvent des femmes qui viennent des campagnes. Hein, puisque du fait de la colonisation, les campagnes ont été, les sociétés rurales et paysannes ont été totalement déstructurées, une partie des terres confisquées, bien sûr des populations très appauvries qui tentent l'aventure de la ville pour essayer de survivre tout simplement. Donc ce sont des femmes pauvres, ce sont des femmes qui viennent de la campagne et ce sont des femmes qui arrivent en ville, parfois seules, parfois avec leur famille, soit leur famille paternelle, soit qu'elles arrivent avec leur mari dans un premier temps, et elles s'installent en ville. Donc les femmes essaient de travailler dans un premier temps dans ce qu'on pourrait appeler des professions honnêtes, entre guillemets, comme on disait à l'époque. Mais elles sont assez vite rattrapées par la prostitution. Donc les quartiers réservés, notamment au Maroc, sont vraiment pensés comme des lieux de la prostitution dite indigène. Et donc elles sont parquées, en fait, dans ces quartiers. Ça ressemble à quoi, la vie au quotidien dans le quartier réservé, pour une femme comme celle-là? Bon, c'est assez routinier, hein, je dirais. Il faut imaginer que, en gros, une femme, elle peut faire entre 40 et 60 clients par jour. Elle va travailler à partir de, je dirais, 2h de l'après-midi, parfois jusqu'à 2h du matin. Et puis, le lendemain matin, elle se réveille, elle se prépare, elles vont faire quelques courses. Parce que dans les maisons, en fait, ne sont pris en charge que un repas seulement, hein, sur les trois. La faim, c'est quelque chose qui est très présent, en fait, dans les populations prostituées de cette catégorie. Elles sont très pieuses. Mmh. Donc, elles ont aussi une vie spirituelle importante. Et puis, elles jouent beaucoup, parce que dans le milieu prostitutionnel, on aime beaucoup le jeu. Donc, elles jouent aux cartes, elles voient des diseuses de bonne aventure, elles font faire des chours, des sortilèges, parce que évidemment elles sont très ancrées dans des pratiques de l'islam populaire. Donc voilà, après elles ont une vie, je dirais, assez classique des femmes des classes populaires, prostituées ou pas. Oui, ma chérie. Est-ce que c'est péché d'être danseuse? Qui t'a dit ça? Ton papa ou ta maman? C'est ma maîtresse. Eh ben, je l'empêchais. Je n'ai jamais connu Sherifa, ma grand-mère maternelle, mais j'ai rencontré l'autre Sherifa, ma grand-mère paternelle. Elle est morte maintenant, et je l'ai mal connue parce qu'on ne parlait pas la même langue. En plus, elle avait une drôle de maladie des orteils, ils étaient tout tordus et grimpés les uns sur les autres, et ça la faisait marcher de travers. Ça me dégoûtait un peu, et puis j'avais très peur d'avoir le même problème plus tard, j'étais persuadée que c'était une maladie de femme arabe. Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment de l'avoir trahi, par ce dégoût, cette distance. Et quand j'ai rencontré des femmes qui étaient nées en même temps qu'elle, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander qui elle était vraiment, et ce qu'elle serait devenue si elle était venue vivre en France. Ça, c'est le cabaret du désert. Voilà, je suis là. Ah, vous avez travaillé pour Carita? Oui, j'étais modèle. D'accord. Pour les coiffures. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ah, ben ça, vous êtes dans une tenue moderne. Oui, ça, c'est moi. J'ai travaillé avec Henri Commercias. Là, oui, j'ai tourné un film avec Alain Delon. Et bois du thé, il dit, ça vaut pas le thé à la menthe. et tu me vois danser. Sherazade posant devant le cabaret Jésaïre dans une voiture qui lui a été offerte. C'est magnifique cette voiture, qu'est-ce qui vous l'avait offerte? C'est quelqu'un qui était amoureux de moi et puis moi j'ai dansé pour Saddam Hussein. Regardez là, c'est au château de Versailles. J'étais très belle, hein. Regardez, j'ai 18 ans. Il y a tout là. Et comment on vous présentait, Sherazade? Quand on voit une photo de Sherazade jeune, on se dit qu'elle aurait pu tomber directement du livre « Sexe, race et colonie ». Et c'est précisément pour ça que je suis allée la voir, pour rencontrer un fantasme incarné. D'ailleurs, Sherazade ne s'appelle pas Sherazade. Mais quel autre pseudonyme choisir pour la danseuse orientale la plus célèbre de Paris? Parce que moi, j'ai grandi dans le Nord, à Flavelle-Martel, à côté de 50 ans. C'est là-bas que j'ai grandi. Je suis venue en 40. C'est des Algériens qui m'ont adoptée. Peut-être j'avais 2 mois, 1 mois, je ne sais pas. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'Algériens? Non, peut-être rien. Il n'y a pas d'Arabes. Non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. 58, ils sont partis. Quand j'avais 14 ans, ils ont tout vendu. Je ne suis pas partie avec eux, j'ai resté. Et c'est les voisins. Son mari, c'est un Français. Et elle, c'est une Égyptienne. Dini, la Égyptienne, elle m'a dit, tu restes, je vais te marier à mon fils. Et il m'a amené au bal. Il m'a amené, on va manger au restaurant avec ses parents. Et j'ai resté chez eux, fini qu'il m'a épousée. Quand il m'a épousée, je me suis sauvée à Paris. J'ai une amie, et c'est elle qu'elle m'a dit, si je pars à Paris, je viens te chercher. Elle est venue me chercher. C'est elle qu'elle m'a amenée au cabaret. C'est elle qu'elle connaissait bien le patron. Gâteau, voilà cette fille-là. Elle m'a dit, elle est très belle. On va lui faire la répétition. Je connaissais la musique égyptienne, parce que je l'ai écoutée chez ma belle-mère. Moi, je dansais. J'ai mis ça. Le patron, il m'a dit, je vous engage. Qui est-ce qui venait au cabaret le soir, comme ça, tard? Oh, ben, des gens très, très riches. Il n'y avait pas d'autres cabarets. Il n'y avait que deux. Il y avait Tom Tom et il y avait Jésaïre. Il vient des princes, il vient tout. Il vient des Saoudiens, il vient des gens très, très, très riches. Il faut être un papillon, tout ça, ben oui. Et nous, il faut qu'on soit bien habillés. Dans les années où Sherazade devient la plus grande danseuse orientale de Paris, l'Algérie est encore un département français où la propagande coloniale bat son plein. Et l'un des rituels de cette propagande, ce sont les cérémonies de dévoilement, dont plusieurs sont dirigées par Madame Massu ou Madame Salan. Pendant que les généraux français pacifient les félagas, leurs épouses émancipent les femmes. Je m'adresse non seulement à mes amies musulmanes, mais aux personnes qui... Et au fur et à mesure qu'elles parleraient, on voyait autour d'elles les femmes arracher leurs voiles. De se comporter comme, Les deux faces de la même médaille, deux lieux communs de la femme arabe sont en train de se perpétuer. La femme voilée qu'on doit émanciper et la femme lascive dont on doit profiter. Priez toutes avec moi, vive la France, vive l'Algérie française. Mais à l'époque, vous aviez l'impression que l'Algérie, c'était votre pays? Ben oui. Pourtant, vous aviez grandi en France. Hein, oui, mais ça ne fait rien. Je savais que j'étais algérienne. Quand on a fait... En 59, je crois, on a fait le boulevard Saint-Michel. J'étais la première avec le drapeau algérien. Il y avait tout le monde. Et alors, ils viennent de FLN, là-bas. Au cabaret, ils font des réunions le jour de fermeture. Le patron aussi s'est occupé d'eux et nous a choisi deux filles. Il m'a dit, celle-là, elle ne fait pas arabe du tout. Il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que vous pouvez travailler avec nous? Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Il m'a dit, vous ramassez l'argent Une fois par mois, vous allez avec deux hommes pour ramener l'argent à la frontière et au slah. Vous alliez où pour récolter l'argent? Ben, je vais ramasser l'argent chez les gens, dans les cafés, les femmes qui font le trottoir, à Pégale, à Clichy, partout. Mais il y avait beaucoup de prostituées qui étaient d'origine algérienne? Des milliers. Mais elles venaient d'où? Ben, d'Alger, partout, Oran, partout. Et donc, ils vous donnaient l'argent et ensuite, vous le gardiez où, cet argent? Ben, je l'amène au chef. Mais vous l'amenez au chef, mais il fallait l'emmener à la frontière après, non? Ah ben, quand ils sont décédés, on y va. Tous les premiers de mois. J'avais de la chance que j'étais belle. J'avais pas de problème. Il y a des femmes qui étaient tuées devant moi. Ici en France. Je parlais à Fallon. Parce qu'elle payait pas? Oui. La nuit. Oui, à Pégale, Strasbourg-Saint-Denis. Il y en a beaucoup. J'en ai vu beaucoup de choses, ma fille. Vous aviez peur? Ah bah oui. Tant de sommes d'argent sur moi. Dans le train. Ouais. Je mets toutes mes costumes comme ça. Les valises, ils sont en dessous. Et qu'est-ce qu'il y a dans les autres valises? Il y a l'argent et les armes. Et moi, je me déshabille. Et je répète, j'ai un poste et des cassettes, la musique. Ouais. Il arrive la douane, je mets mon passeport à la porte. Ils ouvrent, ils me trouvent nu. Alors ils disent, hey, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je répète parce que j'ai la répétition. Je dois travailler. Vous allez où? Je dis, je vais en Italie. La police dit, il faut la laisser. Laissez. Et moi, comme ça, je tremble. Si viens et fouille, je serai foutu. Nous sommes actuellement au courant de la Casbah et une cérémonie vient de se dérouler devant nos yeux. Devant la foule rassemblée, le drapeau algérien vient d'être hissé sur un mât, tandis que l'hymne algérien était chanté. Et maintenant, des militants FLN, ces jeunes gens qui forment un cercle autour de moi, crient « Vive la FLN, vive la FLN, vive l'Algérie !» Je dois dire que nous sommes portés littéralement... Vous êtes où quand vous apprenez que l'Algérie est indépendante? Eh bien, j'étais là. On courait dans la rue, on criait « Algérie, Algérienne !» Ben oui. J'ai fait faire un costume drapeau algérien. Blanc, rouge, vert. Après, quelqu'un il m'a amené en Algérie. Il m'a déchiré mes papiers, ma carte d'identité française. Il l'a coupé. Il les a jetés aux toilettes. Il m'a dit, tu vas pas en France. Et vous êtes... Il m'a dit, je suis de FLN, mais lui, il n'était pas, je ne crois pas qu'il était de FLN. Vous déchirez vos papiers français? Oui, il me ferme. Deux mois, je sors que la nuit avec lui. Je me suis arrangé, je lui dis, amène-moi au bain, le hammam. J'explique, il y a une dame, je lui ai dit, voilà, qu'est-ce qui m'arrive. Elle m'a dit, je te trouve une solution. Elle m'a dit, mets les chewing-gums. Mange beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup le chewing-gum. Quand tu le vois prêt sortir, tu le mets dans la serrure. Et je le fais, de me sauver. Après 2 mois. En mettant du chewing-gum dans la serrure? Oui. C'est-à-dire? Je mets le chewing-gum noir dans la serrure. J'ai tiré. Quand il est descendu l'escalier, j'ai tiré. Il a pété. La porte, elle est sortie. Je suis rentrée en France sans papier, sans rien. Il m'a dit, les papiers, ils m'ont tenu 5 heures. À la douane? Oui, je dis, écoutez, moi je suis pinois, ils m'ont pris mes papiers, ils m'ont pris mon argent, ils m'ont pris tout. Mais moi j'ai grandi à Fleuville-Martel et je m'appelle Madame Ravisseau. Je m'appelle Madame Ravisseau-Paul. Ils l'ont contactée, elle est venue. C'est qui ce Paul Ravisseau? C'est mon mari. C'est lui qui m'a épousée. C'était le fils de votre voisine qui vous a épousée quand vous étiez jeune? Oui. D'accord. Oui, oui, oui. J'ai resté avec lui une semaine et je suis retournée au cabaret de Jazère. Le patron, il est resté la bouche ouverte. Il m'a dit, tu partais en Algérie? Et tu es revenu. Je commençais à voyager. J'étais en Suisse, j'étais à l'Allemagne, j'étais à l'Espagne, j'étais... Qu'est-ce qu'ils vous disaient, les hommes? Ça ne m'intéressait pas. Moi, j'aimais danser. Aziza a à peu près le même âge que Sherazade, mais elle est arrivée en France quand elle avait plus de 20 ans. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle a décidé d'émigrer toute seule, sans famille ni mari. Autant dire qu'elle est un ovni. Quand t'es arrivée, est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes maghrébines en France, en 68? Je sais pas, je pourrais peut-être dire honnêtement, je ne fréquentais pas les maghrébines, non. J'étais dans le cinquième, je fréquentais pas tout le monde. Hein. Aujourd'hui, Aziza est une vieille dame minuscule et charmante qui tire derrière elle, sur un caddie, l'appareil qui l'aide à respirer. Et dans ses mimiques, on voit très bien la jeune femme espiègle qu'elle a été. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir en France? J'avais un peu envie d'étudier. J'avais envie d'être infirmière parce que quand j'étais jeune, j'ai eu un accident banal. Et c'était avant l'indépendance. J'arrive à l'hôpital Charles-Nicolle à Tunis, au service de pédiatrie. Et la surveillante me demande quelle est ma nationalité, si j'étais tunisienne ou française. Puis elle a refusé de m'accepter. Il faut aller à l'hôpital Aziza Asmana. Et il n'y avait qu'un hôpital tunisien, il n'y avait pas beaucoup de médecins, il n'y avait pas de pédiatrie. Cette histoire, ça a duré 2 ans. Et c'était à Mama, j'ai eu la fracture d'os et par la suite, ça s'est infecté. J'ai eu un abcès d'abord au bras, après sous l'aisselle, après jusqu'à l'omoplate. Ils m'ont fait un plâtre à la main jusqu'au coude et puis après ça s'est dégradé. Eux, ils m'ont fait une carcasse de plâtre pour dormir dedans. Et là, je suis restée 3 ans et demi. Et à leur plâtre, 3 ans et demi, avec une cagoule sur la tête, quand on est à l'âge de la croissance, les jours où on m'a enlevé le plâtre définitivement, il y avait mes cheveux qui poussaient. Et moi, j'étais, mon corps est resté figé à l'âge de 8 ans. J'avais 13 ans et demi. Quand on m'a enlevé complètement mon plâtre, après j'étais à Bizerte chez les sœurs. Et quand j'étais chez les sœurs aussi, il y avait des religieuses, sœur Marie-François, elle est de région de Marseille. Je me disputais toujours avec elle, parce qu'elle était auvergnate. Elle nous disait, mais mes petites, vous êtes des sauvages. Chez nous, c'est le paradis. Alors, je rêvais de connaître la France. Ici, dans leur frotte, les bigots. On leur a foutu une volée. On leur a montré. C'était nous, les patrons. C'est vrai qu'en France, on est chez nous. Ça a été quoi, tes premiers boulots? J'avais fait un peu babysitter, comme on dit. J'avais fait cuisinière, mais comme je voyais, j'étais très déçue d'ici. Le contact dans les familles, on me disait, on va faire une semaine d'essai. J'ai dit, moi aussi, je fais une semaine d'essai. C'est toujours moi qui demandais à ne pas rester alors. Ça ne marchait pas, ils me disaient, mais on est content. On vous a bien dressé. J'ai dit, chez moi, on dresse les animaux, on est dit que les enfants. On me prenait au départ un peu pour la petite bonnole qui arrive comme ça. Et je me suis défendue. Je ne me laissais pas faire. Et je trouvais que ce n'était pas le paradis qu'on m'avait décrit petite. Pendant 2 ans, comme ça, je fais des petits boulots. Et puis après, je suis rentrée à l'Institut Curie. Et c'était quoi ton travail à l'Institut Curie à l'époque? J'étais un peu polyvalente. Par exemple, j'allais au... au bloc, je faisais avec mes collègues les instruments, on stérilisait les instruments, même les gants, on faisait les compresses, tout on faisait à la main avant. Ah oui, entre-temps, avant de rentrer à l'Institut Curie, ben, je souffrais, c'est vrai, de la séparation de la Tunisie, ça me manquait. L'isolement quand même, c'est... Et les jours où j'étais heureuse, parce que je me suis inscrite à un cours de français pour me perfectionner, parce que comme je suis autodidacte, la première fois que je voyais les gens lire par exemple une lettre ou lire un livre, rire, et je trouvais mystérieux, avec un papier tu vous pouvez communiquer. Et puis franchement, je me suis mordue de la langue française. J'avoue que j'avais du mal à quitter le cinquième, parce que j'avais mes amis sculpteurs et artistes peintres, hein, parce que le soir, il y avait, jusqu'à minuit, il y avait des bibliothèques ouvertes. Il y avait le Maspero, la joie de lire, rue Saint-Séverin. Je deviens parisienne depuis 51 ans, depuis le 14 avril. Ça fait 51 ans que je vis à Paris. Et comme j'aime Paris, j'aime la ville, j'aime aussi, j'aime la France, comme j'aime mon pays aussi d'origine. Et est-ce que tu as eu des histoires d'amour? Ah, ça c'est personnel. Qui n'a pas eu? Tu sais, un proverbe tunisien qui dit... Il n'y a pas un arbre où il n'y a pas les branches, où le vent ne passe pas dans les branches. Heureusement pour moi, bien sûr. Heureusement, oui. Et c'est un vrai, bon, c'est un vrai amour, oui. Mais ça, c'est personnel. Et comment ça se fait que vous vous êtes pas mariée, par exemple? Ben, quand j'étais plus jeune, d'abord, je voulais faire des études en arrivant à Paris. Et je vis que quand on payait sa chambre et que j'envoyais parce que mon père était malade, je voulais aider mes petites sœurs à finir l'école d'abord. Donc je leur envoyais tous les mois un petit peu de sous. Les écoles, à mon âge, c'était payant. Quand on n'est plus adolescente, donc je n'avais pas assez de moyens. Je me suis dit plus tard, quand mes sœurs seront grandes, je m'occuperai de moi. Mais le temps est passé, voilà. Est-ce que tu as pensé à prendre la nationalité française? J'ai voulu l'apprendre. Là, je commence à faire des démarches, des papiers. Là, maintenant, tu vas l'apprendre? Oui, maintenant, parce que j'ai envie de voter. Parce que tu aurais pu te dire ça avant, que tu avais oui, envie de... Mais avant, attends, d'abord, je travaillais, je courais. Maintenant, j'ai envie de revivre un petit peu. Et t'as quel âge? Ah, ça, c'est, je peux pas te le dire. C'est vrai, tu veux pas me 20 le dire. Ans, c'est trop. Moi-même, je... Pour moi-même, ça me fait peur. Mais dans ma tête, non, dans ma tête, je ne le sens pas vraiment. C'est vrai? Ah oui, mais le chiffre est énorme quand même. Alors, quel âge tu as dans ta tête? Oh, disons, 35 ans. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ces femmes ont des parcours qui sortent de l'ordinaire. Mais ce sont des femmes pas ordinaires. Ce sont des pionnières qui se sont aventurés dans des territoires inconnus et y ont fait leur place. D'ailleurs, vous connaissez sûrement celle que vous allez entendre. Leïla Sebar, fille d'un instituteur algérien indigène, comme on disait à l'époque, et d'une institutrice française, s'est fait connaître par ses romans, dont les plus connus, Fatima ou les Algériennes au square, et Scheherazade, encore une, racontent des destins de femmes maghrébines. Je me sens très proche de Leïla Sebar. Comme elle, j'ai grandi dans une famille mixte, et comme elle, j'ai cherché le salut dans les livres, l'école. Pour elle comme pour moi, se retrouver dans le studio d'une radio qui s'appelle France Culture, c'est un genre d'accomplissement. Je suis arrivée en France en 61-62, en France, à Aix-en-Provence, pour continuer des études supérieures de lettres. Parce qu'en Algérie, à Alger en particulier, où mes parents habitaient, c'était les années OAS. J'étais très contente de quitter l'Algérie, de quitter la guerre, et d'être enfin seule et libre. C'était deux années heureuses pour moi. Et j'avais oublié l'Algérie. Ça veut dire quoi, oublier l'Algérie? Oublier l'Algérie, ça veut dire qu'elle ne m'intéressait pas, que je n'y pensais pas, que je n'avais pas envie d'y retourner. Pendant longtemps, je n'ai pas eu envie d'y retourner. Je pensais à mes parents, qui étaient restés en Algérie. Mais je ne pensais pas à l'Algérie. J'étais assez longtemps amnésique. Est-ce que dans la société française, vous vous sentez différente? Non. Non. Non, non. Je veux dire, quand on a été élevé, comme j'ai été élevé, dans les livres, dans le savoir, dans le culte du savoir quand même, on n'a absolument aucune difficulté à comprendre tout ce qui se présente. J'ai jamais été victime de racisme. Jamais. Quand est-ce qu'elle prend fin, votre amnésie de l'Algérie? Elle prend fin tard, finalement. Quand je m'engage dans une thèse de troisième cycle sur un roman, Adonis, le bon nègre. Et je pense que la mémoire de l'Algérie m'est revenue avec ce travail-là. Et quand vous écrivez, par exemple, Fatima ou les Algériennes au square, pour vous, elles sont qui, ces Algériennes au square? Ben, elles sont ce qu'elles sont dans le livre, et dans la réalité aussi. Parce que moi, j'allais en banlieue, et j'allais me promener, comme ça. Enfin, j'étais curieuse, quoi. Curieuse d'un monde que je connaissais mal. C'était pas le monde dans lequel j'avais vécu. Jamais vécu dans des maisons algériennes. Non, jamais. Et j'allais à la Courneuve, me promenais, il y avait un square, je m'arrêtais dans le square, je m'asseyais, et dans le square, il y avait toutes les femmes de du HLM qui descendaient avec leurs enfants et qui bavardaient. Et c'était des Algériennes, elles ne parlaient pas français. Et je les écoutais sans comprendre, puisque je ne parle pas la langue de mon père, qui est l'arabe. C'était une sorte de communication souterraine, tacite et très forte. Moi, je les appelle mes sœurs étrangères, ou mes mères étrangères. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit, je ne parle pas la langue de mon père. Comment c'est venu le questionnement autour de la langue? Quand j'étais enfant, dans l'école de mon père, puisque mon père était instituteur de langue française et ma mère aussi, et dans la langue de la maison, c'était la langue française que mon père aimait, et il aimait une française, et il aimait ses enfants français aussi, quand même, oui. Et je ne me posais pas cette question. Je ne me posais pas cette question. Mais je pense que c'est avec la guerre d'Algérie que les questionnements et les divisions sont arrivés. Et on m'interrogeait toujours sur de qui j'étais la fille. J'étais la fille de mon père Fellaga, ou la fille de ma mère qui était du côté du colonisateur. Bon, donc j'ai compris à ce moment-là que j'étais dans une position qui ne me permettait pas de répondre. Je ne pouvais pas répondre, je ne savais pas répondre. Heureusement, je savais lire. Donc, je me suis enfermée dans les livres. Le fait que ce soit le français qui est dominé, bien sûr. Est-ce que c'est pas une forme de colonisation? Mais non, enfin, c'est terrible de réduire comme ça. Non, non. D'abord, c'est ma langue. C'est la langue que j'ai entendue dans le ventre de ma mère. C'est la langue que mon père a adoptée par amour aussi. Bon, ça compte. Personne ne m'a empêché d'apprendre l'arabe. Personne. Non. Moi, j'ai jamais pensé que ma mère était une colonisatrice ou qu'elle était du côté du colonisateur. Jamais. Jamais pensé ça. Et j'ai jamais pensé que mon père était un traître parce que il n'a pas appris la langue arabe à ses enfants. Dans ma famille, moi j'ai parlé arabe pendant quelques années, puis je l'ai oublié, parce que dans ma famille, on ne parlait plus arabe, on ne parlait que le français. Non seulement je l'ai oublié, mais ensuite après, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour le réapprendre. Et je suis assez consciente qu'en ça, je suis héritière d'une dépréciation de la langue arabe qui existe en France. Surtout l'arabe dialectal algérien. Par qui ? Par la société française. Ah bon ? Moi, j'ai jamais entendu personne me dire que c'est une langue qu'il ne faut pas apprendre, ou que c'est une langue qu'il ne faut pas parler, ou j'ai jamais entendu personne dévaloriser la langue arabe, quelle qu'elle soit. Et toujours. Et quand vous étiez avec ces femmes au square, vous n'avez pas eu envie d'apprendre justement l'arabe pour comprendre ce qu'elles disaient ? Non, non, j'en avais pas besoin. Je n'avais pas besoin du sens. C'est comme s'il était déjà là. J'ai eu raison de ne pas faire l'effort d'aller prendre des cours d'arabe, de peiner, etc. Enfin bon, quand je dis que je n'ai pas voulu apprendre l'arabe en France, parce que je pouvais apprendre l'arabe, hein, c'est très facile. Alors quand je dis ça, c'est l'agression immédiate de la part des Algériens. Ils voudraient que vous appreniez l'arabe. Bien sûr. Il n'y a qu'à apprendre l'arabe. Oui. Il n'y a qu'à apprendre l'arabe. Et non, je ne prendrai pas l'arabe. Donc là, on passe aux exercices structuraux. Vous allez entendre un extrait. Je me souviens très bien que j'étais furieuse, moi aussi, quand dans la rue ou au marché, des hommes qui roulaient les airs me sermonnaient parce que je ne parlais pas ma langue. Je les trouvais intrusifs et macho, et ils l'étaient, je crois. Ce n'est que bien plus tard que j'ai vu à quel point ils étaient misérables, ces petits patriarches sans pouvoir, et que ce reproche qu'ils faisaient à une petite fille inconnue n'était que le cri impuissant de celui qui a déjà perdu la partie. C'est quand j'ai compris ça que j'ai décidé de prendre des cours d'arabe. J'ai essayé plusieurs fois de réapprendre cette langue. Je n'ai jamais tenu plus de 6 mois. Il a bien fallu que je me rende à l'évidence. L'arabe me manque, mais pas assez pour que je lui fasse une place dans ma vie. Vous voyez, pour moi, c'est ça, être colonisé. C'est ne pas souffrir de ce qu'on m'a enlevé, voire même y renoncer de mon plein gré. En fait, un couple mixte loge dans ma tête. Je suis à la fois la colonisée et le colonisateur. Il me reste à comprendre comment ce couple mixte a voyagé de génération en génération, jusqu'à la mienne. Adila. Adila. Adila. Adila. Anna, نجلس على كرسي كبير. وانت؟ أنا نجلس على كرسي مش كبير. C'était Heureuse comme une arabe en France, Les pionnières. Un documentaire d'Adila Benedjaizou réalisé par Anne Pérez Franchini. Avec Atika, Christelle Tarot, Sheherazade, Aziza, Leila Sebar. Prise de son Valérie Lavalard et Bernard Laniel. Mixage Claude Niort. Documentation Anne Delaveau et Antoine Villose. Attaché de production Marie-Vonne Abolivier. Coordination Perrine Kervran. Un grand merci à Leila Jitli, Naïma Yahi, à l'association Ayem Zamen, au Café Social du 18e et à l'espace Cargo 21. ينساني الفرح لو انساكم والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله انا صبحوني قد انا صبحوني. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Casablanca, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, Les Marcheuses.